إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. أي من صام رمضان إيمانا به واحتسابا أي راجيا الأجر من عند الله سبحانه وتعالى مخلصا وصادقا من قلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه. نعم فهذه الأحاديث كلها تحث المسلمين على الصيام وعلى فعل الخير وعلى الذكر بهذا الشهر العظيم الذي سيأتي قريبا إن شاء الله. فلنستعد بالخير والأعمال الصالحة بفعل الطاعات وترك المحرمات ونسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ومسلم. La signification de ce hadith et de tous les hadiths qu'on a mentionnés depuis le début de cette khutbah, c'est des hadiths qu'on a mentionnés pour inciter les musulmans à comprendre l'importance et le mérite du jeûne du mois de Ramadan. Dans les hadiths qu'on a mentionnés, il y a l'importance du jeûne du Ramadan et du fait que la personne qui jeûne, elle entrera dans la porte qui mène au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala il récompense toutes les actions d'une personne et puis il la multiplie de différentes façons et de plusieurs fois, peut-être plus 10 fois plus que sa valeur ou même jusqu'à 700 fois plus, excepté le jeûne, parce que c'est pour lui et c'est lui qui le récompense. Donc il y a une récompense particulière et spécifique pour le jeûne du Ramadan qui dépasse toutes les autres récompenses des autres actes qu'on peut faire dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le jeûne en particulier? Pourquoi le jeûne en particulier par rapport à d'autres formes d'adoration qui sont également importantes? Eh bien, on peut comprendre ça parce que lorsqu'on jeûne, c'est une adoration qu'on fait qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre peut la voir. Ça veut dire que si on est seul dans une pièce et qu'il n'y a personne avec nous, et qu'il y a un bon plat de fruits ou de légumes ou de nourriture et que personne ne nous voit et qu'on s'arrête et on fait et on ne goûte pas parce qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit et il sait ce qu'on fait et il sait ce qu'il y a dans notre cœur, alors ça prouve notre sincérité et notre foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans l'ayah la'allakum tattaqoon, dans le but que vous ayez acquis à taqwa, Et attaqwa, c'est quoi? C'est de s'éloigner de tout ce qui est haram et de faire tout ce qui est obligatoire et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. Maintenant, il y a des choses qu'on doit comprendre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas abandonné les paroles mensongères et tout ce qui a rapport avec le mensonge, az-zour, hein, et celui qui ne laisse pas tomber le fait d'agir selon ces formes de mensonges et de péchés là, et celui qui ne cesse pas et qui ne quitte pas l'ignorance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et son breuvage. C'est-à-dire que le jeûne, c'est pas uniquement de comprendre que tu cesses de manger et tu cesses de boire et ça y est, tu as fait le jeûne. Il faut également que tu quittes et que tu cesses tout péché et toute chose qui est en contradiction avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a ikhwa, oh mes frères, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont régulières et qui sont faites parmi nous et qu'on les voit qui sont faites comme ça, comme si rien n'était. Et ce sont des graves péchés. Et pour nous préparer pour le ramadan qui arrive, inshallah, il faut absolument essayer de faire des efforts pour abandonner ces péchés. Parce que si on ne les quitte pas, eh bien, on ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala acceptera notre jeûne ou non. Parce que c'est une question d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne quelques exemples, mes frères. Le fait de s'asseoir dans les bars et de s'asseoir dans les cafés, à gaspiller notre temps et à perdre des heures et des heures à jouer aux cartes ou à jouer aux dominos ou fumer ou je ne sais pas quelle autre chose. Ça, mes frères, j'ai remarqué qu'il y a dans le coin ici un paquet de cafés et un paquet de musulmans qui perdent leur temps à s'asseoir dans ces cafés, à jouer et à parler, à discuter des choses de gaspillage de temps. Tout ce temps qu'on gaspille dans ces cafés et dans ces bars, et j'en ai même vu qui buvaient de l'alcool, wallahu musta'an, tout ce temps-là qu'on gaspille et qu'on perd, c'est du temps qui nous éloigne du paradis et qui nous rapproche de l'enfer. C'est une obligation pour moi, aujourd'hui, et pour chacun d'entre nous, de se rappeler de ces choses-là, et de se rappeler que ça c'est haram dans notre religion, et de nous rappeler également que c'est important pour nous de faire al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Hein? Et ça c'est une chose qui semble qu'on a beaucoup d'entre nous ont négligé et oublié ça. C'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. Il y a une chose aussi que je veux vous rappeler, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qussu shawarib wa'fu 'anil miha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le commandement et il a ordonné aux mu'minines de couper la moustache et de laisser pousser la barbe. C'est un de ses ordres. Faire l'amr, c'est un verbe impératif du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui implique l'obligation. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il ordonne, c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Man yuti' al-rasul faqad ata' Allah. Celui qui obéit au messager, c'est comme s'il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a un bon exemple pour vous, hein, en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se souvient de lui beaucoup. Mais c'est une chose qu'on doit comprendre, qui nous a donné cet exemple. Et ce n'est pas uniquement l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est l'exemple de tous les messagers, et de tous les salihim, et de tous les sahaba. On n'a pas trouvé aucun d'entre eux qui désobéissait cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que tous les grands ulama qui ont traversé l'histoire de l'islam, excepté depuis les derniers temps, lorsque les kuffars ont colonisé les pays musulmans et qu'ils nous ont envahis et imposé leur culture et qu'on est devenu, hein, Allahu Musta'an, comme si on veut essayer de les imiter dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils disent et comment ils pensent. Et ça c'est dangereux, mes frères. Donc il faut se différencier de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khaliful Yahoud, Khaliful Nasara, U'fu anil Miha. Donc c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de nous distinguer de ces gens-là, de ces kuffars qui se rasent la barbe et nous on les imite là-dedans. De même que la cigarette, mes frères, c'est une occasion pour nous, pour ceux d'entre nous qui ont été, qui ont eu cette fitna de la cigarette et qui fument et qui gaspillent leur argent et leur santé avec ce poison, d'essayer et de tenter de l'abandonner pendant ce mois, parce que c'est une chose qui nous pousse à l'abandonner puisqu'on ne peut pas fumer durant le jour, alors ça nous encourage, inshallah, à l'abandonner également durant la nuit et durant tout le reste de l'année, bi'iznillah. On n'a pas le droit de dépenser un sou noir dans une chose aussi néfaste et mauvaise pour la santé et qui est nuisible et qui est un gaspillage total de notre argent et qui ne possède aucun bienfait pour la santé, ni pour le corps, ni pour rien d'autre. Donc il faut se rappeler d'Allah et se rappeler de ces choses-là, mes frères. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun » Toute ma umma sera épargnée et pardonnée, excepté al-mujahirun. C'est qui al-mujahirun? C'est ceux qui exposent et qui font en public des péchés. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de gêne, ils sont devant les gens. Ils boivent de l'alcool devant les gens et les femmes qui font le tabarruj devant les gens, tout ça c'est des choses haram. Elles sortent dans la rue avec des pantalons, avec un chandail, et elles ne se couvrent pas avec un djilbab. Ça c'est haram, ça fait partie du tabarruj. Il faut se couvrir. Tout ça c'est des obligations qu'on a négligées. Hein? Donc par exemple, quand on entend le hadith qui dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun » Un péché que quelqu'un fait en public, ça n'a pas le même poids et le même danger qu'un péché que quelqu'un fait en privé ou en cachette parce qu'il a honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man la iza lam tastahi, fatna' ma shi't » Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Et ça c'est un hadith qui n'est pas là pour nous inciter à faire ce qu'on veut, comme certains pourraient dire. On est dans un pays libre, on est au Canada, c'est fini, on peut faire ce qu'on veut. Non. Ce hadith-là, c'est pour te dire, est honte, est de la honte. Le prophète a dit, Al-Haya'u min al-Iman, la timidité et la pudeur, ça fait partie de la foi. C'est un rappel pour vous, mes frères, pour moi et pour vous, pour qu'on soit dans le droit chemin, pour qu'on s'encourage dans le bien et qu'on s'interdise le mal. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ismi wa al-udwan. Ya ikhwa taqima, c'est ma nasiha pour vous, et en même temps, c'est un rappel pour se préparer comme il faut pour le mois de Ramadan, pour que, Inch'Allah, nos actions soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'on soit, Inch'Allah, des vrais mu'minines, hein, et puis en même temps, pour qu'on se rapproche réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'on soit un exemple pour les kuffars qui sont dehors, qui ne connaissent pas l'islam, pour qu'on soit un bon exemple pour eux, pour les amener à l'islam, lorsqu'ils vont voir qu'on est des bons musulmans et qu'on respecte les règles de notre religion, Inch'Allah, ils vont vouloir accepter et se convertir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Il ne faut pas penser les faits en disant, ah, Sulaiman, il est trop dur, ou ah, Sulaiman, il sait fuir les gens. Non. C'est un rappel et c'est une nasiha. Si je ne fais pas ça, je suis dans le péché. Parce que j'ai négligé mon obligation et mon devoir en tant qu'imam et en tant que musulman. Donc, mettez-vous, inshallah, pour la prière. Qumu ila salatikum, barakallahu fikum. اللهم اكبر اللهم اكبر ربنا اني نحن الله وان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اللهم اكبر اللهم اكبر لا اله الا الله الله اكبر اعتدلوا سووا الصفوف سدوا الفرج تقربوا يعني يا ديخات في صوم بار peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de spas, essayez de faire le plus de spas possible inshallah pour que tout le monde puisse finir et rentrer dans la mosquée. Rapprochez-vous, serrez vos reins. Soyez اعتدلوا صدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

لها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر.